Moi, j'ai beaucoup aimé le livre de Ricardo, mais je vais dire plutôt Le Plongeur, qui est un roman que j'ai beaucoup aimé, que j'ai lu cet été, qui m'a fait vraiment réaliser à quel point ça peut être une maladie, le gambling, puis c'est vraiment très bien écrit, alors j'ai adoré ça.